والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Donc toujours dans la traduction de l'explication du livre Lum'at al-I'tiqad Al-Hadi ila Sabil al-Rashad, une explication de Cheikh Salih ibn Fawzan Al-Fawzan rahimahullah, hafidahullah ta'ala. Et la semaine dernière, on avait parlé de la résurrection après la mort et du fait que l'ange Israfil va souffler dans cette trompe. Et on a cité que Israfil alayhi salam soufflera trois fois dans cette trompe, et chaque souffle correspondra à quelque chose de bien précis. Et on avait aussi cité l'attente du jour du jugement jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède en faveur de l'ensemble de l'humanité et des djinns pour que le jugement puisse enfin commencer. ثم قال المؤلف ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. L'imam Ibn Qudam rahimahullah a dit: puis Allah azza wa jalla les jugera. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait intercédé, le jugement pourra enfin commencer. قال الشيخ الفوزان يحاسبهم الله الحساب معناه إيقافهم على أعمالهم ومناقشتهم عليها وتقريرهم بها. أما الكفار فإنهم لا يحاسبون محاسبة موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنهم ليس لهم حسنات، ولكنهم يحاسبون حساب تقرير فقط، يقررون بأعمالهم ويقرون بها. وأما المؤمنون فيحاسبون حساب موازنة بين الحسنات والسيئات. ومن المؤمن من لا يحاسب أبدا، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. Donc Allah Azza wa Jal jugera l'ensemble des créatures, et le sens de jugement, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal mettra les gens face à leurs actes et ils seront questionnés sur ceux-ci et ils avoueront et admettront les actes. Quant aux non-musulmans, ils ne seront pas jugés, à savoir qu'ils ne seront pas jugés et que leurs actes ne seront pas pesés. Les bonnes actions et les mauvaises actions ne seront pas pesées les concernant, car laysa lahum hasanat, car ils n'ont pas de bonnes actions. En effet, la mécréance est un obstacle entre la personne et les bonnes actions. Mais le jugement qu'ils subiront sera d'admettre et d'avouer tous les péchés qu'ils ont faits. Quant aux croyants, ils seront jugés et leurs actes seront pesés, les bonnes et les mauvaises actions. Et certains parmi les croyants seront exempts du jugement et entreront au paradis sans jugement et sans châtiment, comme cela est rapporté dans le hadith des 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يناقش الحساب ويثقل عليه الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فهذه أنواع المؤمنين في الحساب: منهم من لا يحاسب ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حساب مناقشة ويثقل ويثقل ويعذب بذنوبه. وأما الكفار فإنهم لا يحاسبون حساب موازنة بين الحسنات والسيئات، لأنهم ليس لهم حسنات، وإنما يحاسبون حساب تقرير فيعترفون بذنوبهم. Et parmi les croyants, il y aura ceux qui subiront un jugement facile, simple et aisé, et retourneront vers leurs proches en étant joyeux et contents. Et certains parmi les croyants devront répondre de leurs actes. Et ce jugement sera dur pour eux, et sera lourd, sera pesant. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: من نوقش العذاب من نوقش الحساب عذب. Celui qui doit répondre de ses actes, cela est un châtiment en lui-même. C'est-à-dire qu'il y en aura, il y aura des croyants qui seront jugés facilement. Tes bonnes actions, tes mauvaises actions, allez au paradis. Et il y aura ceux qui devront répondre de leurs actes de façon précise. Et on leur posera des questions auxquelles ils devront répondre, et tel jour, et telle fois, etc., etc. Et ceci sera un châtiment en soi, alayyadu billah. Donc, les croyants face au jugement, il y aura ceux qui ne seront pas jugés et entreront au paradis directement. Il y aura ceux qui auront un jugement facile et retourneront joyeux. Il y aura ceux qui devront répondre de leurs actes. Et ceci est un châtiment en soi. Et il y a les non-musulmans, comme nous l'avons dit, qui ne seront pas jugés, à savoir que leurs actes ne seront pas pesés, mais qu'ils devront répondre et avouer et admettre leurs péchés, leurs mécréances et le fait qu'ils n'aient pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف وتنصب الموازين كذلك مما يجري في يوم القيامة نصب الموازين موازين الأعمال وهي موازين حقيقية قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة وهذا من تمام العدل عدل الله عز وجل فمن رجحت حسناته سعد وفاز ومن خفت حسناته وثقلت سيئاته خاب وخسر ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية أمه أم الشيء الذي يصار إليه فمصيره إلى جهنم والعياذ بالله وقيل أمه أم دماغه بمعنى أنه يسقط في النار على رأسه. Puis l'imam ibn Qudama rahimahullah a dit: et les balances seront établies et seront installées. Cheikh Al-Fawzan rahimahullah dit: ceci également fait partie des étapes et des épreuves du jour du jugement, à savoir que les balances seront installées, les balances qui serviront à peser les actes des serviteurs. Ce seront des balances réelles qui existeront et qui seront concrètes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Al-A'raf: et la pesée ce jour-là sera équitable. Celui dont les actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à ceux dont les bonnes actions seront ou pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte d'eux-mêmes parce qu'ils étaient injustes envers nos signes. Les bonnes actions seront donc positionnées sur un plateau de cette balance et les mauvaises actions sur l'autre plateau, et ceci fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus juste des justes. Et comme l'on le dit souvent, lorsqu'Allah azawajal châtie l'un de ses serviteurs, il le châtie avec justice. Il pèsera ses actes, les bonnes actions et les mauvaises sur une balance, et la personne verra de ses propres yeux quelle est sa destination et ce qu'il mérite, ou la destination qu'il mérite en fonction des actes qu'il aura accomplis. Celui pour qui la balance tendra vers les bonnes actions connaîtra la félicité et sera heureux. Quant à celui dont le plateau des bonnes actions, des mauvaises actions sera plus lourd, aura alors perdu et connaîtra le désespoir, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man khaffat mawazinuh, celui dont La pesée sera légère, c'est-à-dire dont les bonnes actions seront légères. Ce sont eux qui auront provoqué la perdition de leur propre personne. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans sourate Al-Qari'ah, quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Quant à celui dont la balance sera légère, c'est-à-dire dont les bonnes actions seront plus légères que les mauvaises, alors sa destination sera l'abîme. Et qu'est-ce que l'abîme? Un feu ardent. Ummuhu, lorsque Allah Azzawajal dit Ummuhu Hawiyah, il y a deux sens de Ummuhu Hawiyah. Ummuhu, sa mère, si l'on traduit textuellement, a le sens de destination. Lorsque l'on dit Ummu Shay, c'est-à-dire la finalité de cette chose. La mère de la chose, en arabe, signifie la finalité et l'état final de cette chose. Et il y a aussi le terme Ummuhu qui signifie aussi Ummu Dimarin, qui signifie la tête, c'est-à-dire l'organe qui transporte ou qui comporte son cerveau. Autrement dit, qu'il tombera en enfer la tête en premier. وهذا الوزن حقيقي حقيقة في ميزان حقيقي حسي له كفتان كما جاء في الحديث لكن الله أعلم بكيفيته لأنه من أمور الآخرة لكن معناه معلوم وهو أنه ميزان حقيقي له كفتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة وأيهما رجح فإن صاحبه يعامل بحسبه خيرا أو شرا وهذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. C'est donc une pesée réelle, et ce seront des balances réelles qui auront deux plateaux, comme cela est rapporté dans les hadiths authentiques. Mais seul Allah Azza wa Jalla est connaisseur de comment sera cette balance, quelle est sa description exacte, quelle est sa taille, etc. etc. Tout ceci n'est connu que d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cela fait partie de l'ghaïb, des choses invisibles qui ont rapport avec l'au-delà. Mais chacun d'entre nous sait ce qu'est une balance et sait ce qu'est les plateaux d'une balance. Donc, nous savons ce qu'est une balance, nous connaissons la signification de ce mot quant au comment il n'est connu que d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'existence de la balance est citée dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela fait partie également de l'unanimité des savants. وأما المعتزلة فيقولون ليس هناك ميزان حقيقي وإنما هو كناية عن إقامة العدل وهذا على منهجهم الخبيث وهو تحكيم العقول وعدم النظر إلى النصوص وهذا مذهب باطل وضال. Quant à المعتزلة, cette secte qui disent qu'il n'y a pas de balance réelle, mais que la balance citée dans le Coran et dans la Sunna signifie la justice qui résidera le jour du jugement, mais cela ne veut pas dire qu'il y aura une balance réelle. Et ceci, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, fait partie de leur mauvais chemin qu'ils ont suivi, à savoir de faire précéder leur raison au texte. Et comme on l'a vu à plusieurs reprises, il faut, en termes de aqidah, toujours faire précéder le texte à la raison. ثم قال المؤلف وتنشر الدواوين الدواوين هي الكتب التي سجلت فيها أعمال بني إسرائيل بني آدم وهي الصحائف صحائف الأعمال لأن ما عمله الإنسان في هذه الدنيا فهو مكتوب كتبته عليه الملائكة الحفظة من خير أو شر قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيعطى الإنسان كتابه المملوء بأعماله ويقرأه أما المؤمن فإنه يعطى كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه فهو يفرح ويود أن الناس يطلعون على كتابه لأنه سار، والشيء إذا كان سارا فإن ذلك تود أن يطلع عليه الناس. إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني آمنت وأيقنت أني ملاق حسابية، فاستعددت له بالأعمال الصالحة، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم قال المؤلف الإمام ابن قدامة رحمه الله: وتنشر الدواوين. Et les registres seront exposés et seront ouverts. الدواوين, Cheikh Al-Fawzan dit, ce sont les livres dans lesquels les actions des fils d'Adam ont été inscrites. Ce sont les feuilles enregistrant les actes de chacun. Car toute chose qu'a pu faire l'être humain dans cette vie d'ici-bas a été inscrite par les anges. Et que ces actes soient bons ou mauvais, Allah Azza wa Jalla a dit, et nous avons attaché au cou de chaque être humain son œuvre, et nous lui sortirons le jour du jugement un livre qu'il verra exposé. Lis ton livre, tu es le juge de toi-même aujourd'hui. Tu es aujourd'hui le juge de toi-même. L'homme ou l'être humain, il lui sera donc donné ce livre qu'il lira. Quant au croyant, il lui sera donné de sa main droite. Et Allah Azza wa Jalla a dit, et celui à qui nous donnerons son livre de sa main droite, il dira, Ha umuqra'u kitabiyah. Il dira, lisez mon livre. Voilà mon livre, lisez-le. Il sera heureux, content d'avoir reçu ce livre et espérera ou dira aux gens de lire ce livre. Car une chose qui te rend joyeux et qui te fait plaisir, tu as envie de faire partager ce plaisir aux autres et de le montrer aux autres. Il dira, Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyya. J'étais sûr que j'allais y trouver mon compte. C'est-à-dire que j'avais cru et j'avais la foi en cette rencontre, et je me suis préparé à celle-ci à travers des œuvres pieuses. Et Allah Azza wa Jalla dit, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Il sera dans une vie agréable, فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ, dans un paradis élevé, قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ, les fruits seront à portée de ses mains, كُلُوا وَشْرَبُوا, et il leur sera dit, mangez et buvez en toute tranquillité, ceci en récompense de tout ce que vous aviez œuvré dans les jours passés. واما الكافر فانه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره والعياذ بالله. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه. يتمنى انه لم يعط كتابه ولا عرض عليه لانه فضيحه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية، يعني ليتني لم أبعث، وليت الموت كان هو النهاية. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذا بعد تطاير الصحف بِالْيَمِينِ أَوْ بِالْشِمَالِ. Et quant au non-musulman, son livre lui sera donné de sa main gauche et derrière son dos. De sa main gauche et derrière son dos, qu'Allah nous en préserve. Et Allah Azza wa Jalla a dit, et celui à qui on donnera le livre de sa main gauche, il dira, malheur à moi, pourquoi ce livre m'a été donné. Il espérera où il aurait aimé qu'on ne lui donne pas son livre et que ce livre ne soit pas exposé devant lui, car c'est une honte et c'est une fadiha. Je ne sais pas comment traduire fadiha. Une humiliation pour lui. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةُ. Oh, si seulement cette mort avait été la mort ultime, à savoir la première mort qu'il a connue. Il aurait aimé et souhaité de tout son cœur que cette mort soit la première et la dernière et qu'il ne soit pas ressuscité par la suite. Puis il dira, Ma arna anni maliya. Mon argent ne m'a servi en rien. Halaka anni sultaniya. Mon autorité a été anéantie et ne m'est plus d'aucune utilité. Puis il sera dit khudhuhu faghulluh. Saisissez-le et mettez-lui un carcan. Thumma al-jahim sallouh. Puis jetez-le dans la fournaise. Thumma fi silsilatin dharuha 70 dhira'an faslukuh. Puis liez-le et attachez-le avec une chaîne de 70 coudées. ثم قال المؤلف وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمال إلى الأيمان والشمائل. C'est-à-dire que les livres et les feuilles comportant les actes seront distribués aux mains droites et aux mains gauches. قال الشيخ الفوزان هذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا من تمام العدل من الله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحدا أو يحمل أحدا ما لم يعمل. C'est-à-dire que cela est le fait que les livres seront distribués, que ces registres seront distribués à des mains droites et à des mains gauches. Cela est rapporté dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. Et cela également fait partie de la parfaite justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir qu'il n'offense personne et que pour être le plus juste, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas donner son livre à celui qui aura accompli de bonnes œuvres comme à celui qui aura été non musulman ou qui aura commis des grands péchés. Eh bien, les livres ne seront pas mis de la même façon. Il y aura des façons respecté ou respectable, et il y aura des façons humiliantes comme celle de recevoir son livre de derrière son dos et en le saisissant par la main gauche. قال المؤلف أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Puis l'auteur, rahimahullah, a dit, et Allah azawajal a dit, celui qui le livre sera donné de la main droite, eh bien, nous le jugerons d'un jugement simple et facile, et il retournera vers ses proches joyeux. Et quant à celui qui recevra son livre de derrière son dos, eh bien, il invoquera la destruction de lui-même, wa yasla sa'ira, et il sera jeté en enfer. قال الشيخ الفوزان في آية يعطى كتابه بشماله وفي آية يعطاه من وراء ظهره والجمع بين الآيتين أنه يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره إهانة له والعياذ بالله فيحصل هذا وهذا له. ومن طرائف ما يذكر أن بعض الفرق الضالة إذا مات الميت يقطعون يده اليسرى يقولون حتى لا يبقى له شمال يوم القيامة لكي يعطى كتابه باليمنى إذا لم توجد اليسرى ولا يؤمنون أن الله يعيده أن الله تعالى يعيد يده التي قطعوها كما كانت. هذا من طرائف أخبار الفرق الضالة. Concernant ce verset, Cheikh Fouzan dit, dans ce verset, Allah Azza wa Jal, ou dans certains versets, Allah Azza wa Jal parle des livres qui seront remis de la main gauche. Et d'autres versets, comme celui-ci de Surat Al-Inshiqaq, où Allah Azza wa Jal dit que le livre sera remis de derrière le dos. Et le Cheikh Al-Fawzan dit, Hafidhahullah, et comment comprendre ces deux versets? Il faut les comprendre tout simplement en les rassemblant, à savoir que celui qui recevra son livre de sa main gauche, eh bien, il le recevra de sa main gauche, qu'il prendra de derrière son dos. Donc, ce sera les deux à la fois, et ceci pour l'humilier devant l'ensemble des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Fawzan cite certains faits de certaines sectes égarées qui, lorsqu'un mort ou lorsqu'une personne parmi elles décède, eh bien, il lui coupe la main gauche en disant: nous lui coupons la main gauche afin qu'il n'ait plus de main gauche le jour du jugement et ne pourra ainsi prendre son livre que de la main droite. en ne croyant pas, en faisant cela, ils ne croient pas au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera ressusciter tout être vivant et qu'il redonnera à une personne qui n'avait plus sa main gauche la main gauche qu'il avait. Et ceci fait partie des histoires ou des faits les plus hallucinants que peuvent commettre des sectes. ثم يقول المؤلف والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال هذا رد على المعتزلة في أنه ميزان حقيقي له كفتان حقيقتان وله لسان. Et la balance aura deux plateaux et une langue et elle pèsera les actes et les œuvres de chacun. Cheikh Fawzan dit ceci est une réponse à Al-Mu'tazila qui, comme on l'a vu, ne considèrent pas l'existence ou ne croient pas en l'existence d'une balance réelle. Mais pour eux, c'est la justice qui sera répandue le jour du jugement. Et ceci est une réponse à Al-Mu'tazila, à savoir que la balance est réelle, qu'elle a deux plateaux et une langue, et qu'elle servira à peser les actes ou les œuvres des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant le terme langue, Cheikh Al-Fawzan l'atteste. Par contre, je ne sais pas s'il y a un hadith authentique à ce sujet. Je sais qu'il y a un athar de Abdullah ibn Abbas, à savoir que la balance a deux plateaux et une langue. Mais ce que j'ai constaté, ou ce qui a été dit sur ce hadith, c'est qu'il est faible. Donc cela mérite une recherche plus approfondie pour savoir si la langue a été rapportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique. Et l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi, ce n'est pas le seul à avoir cité le fait que la balance a une langue, et l'imam al-Barbahari dans le Sharh al-Sunna et dans beaucoup d'autres livres de l'i'tiqad, cite le fait que la balance a deux plateaux et une langue, et certains savants même ont prétendu l'unanimité des gens de la sunna sur le fait que la balance a une langue. À Kulhan, inchallah, je vais essayer de faire une recherche plus approfondie et essayer de vous donner une réponse plus précise la semaine prochaine, inchallah. ثم قال المؤلف قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال الشيخ الفوزان قد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم يوم القيامة قال أما في ثلاثة مواضع فلا أحد يذكر أحدا فلا أحد يذكر أحدا عند وزن الأعمال حتى يعلم هل ترجح حسناته أو سيئاته هذا موضع والموضع الثاني عند تطاير الصحف حتى يعلم هل يعطى صحيفته بيمينه أو بشماله والموضع الثالث على الصراط عند المرور على الصراط حتى يعلم هل ينجو أو لا ينجو. Allah Azza wa Jalla dit, et celui dont la balance sera lourde, eh bien ce sont eux, comme on l'a vu, ce sont eux qui réussiront. Et quant à ceux pour qui la balance sera légère, eh bien ils auront provoqué la perdition de leur propre personne et ils resteront éternellement en enfer. Cheikh Al-Fawzan dit, Aïcha radiallahu anha a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, nous rappellerons-nous de nos familles le jour du jugement? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quant à trois moments, personne ne se rappellera de personne. Au moment de la pesée des actes, jusqu'à ce que le plateau des bonnes actions ou des mauvaises actions est pris le dessus. Ceci est un moment dans lequel personne ne se rappellera de personne. Le deuxième moment, c'est lorsque les livres ou les registres seront distribués jusqu'à ce que la personne sache si il lui sera mis le livre de sa main droite ou bien de sa main gauche. Et le troisième moment, dans lequel personne ne connaîtra personne, ce sera durant la traversée du pont, jusqu'à savoir s'il arrivera au bout de celui-ci ou non. Et ce hadith est rapporté par Ahmed dans son Mousnad, par l'imam Abu Daoud, par Al-Hakim dans son Mustadrak, et c'est un hadith que Cheikh l'Albani, rahimahullah, a considéré faible dans Da'if al-Targhib wa al-Tarhib, mais également dans Da'if Sunani Abi Daoud, et Cheikh al-Fawzan l'a cité en considérant que pour lui ce hadith était au minimum hassan, mais min bab al-aman al-ilmiya, c'est-à-dire pour apporter le dépôt scientifique ou de la science, je vous rapporte le fait que Cheikh l'Albani, rahimahullah, a rendu faible ce hadith. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.